Je ne suis rien que cendre au vent qu'il a voulu, qu'un peu d'ombre fugace en mon désert de glace, qu'un silence mort en l'âme résolue à ne supporter plus que ce qui la dépasse, et va se perdre au fond du ciel de haute race, d'un Dieu perdu parmi son éternité nue.